Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous en sommes à la leçon 27. Notre phrase clé aujourd'hui est... Qui se marie? Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Aujourd'hui, elle est chez son amie Sakura. Sakura a montré à Anna une invitation à un mariage. Écoutons le sketch de la leçon 27. Notre phrase clé est... 誰が結婚するんですか? Qui se marie? 誰が結婚するんですか? 静岡の友達。 へえ、いつですか? 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない? Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna a dit... 誰が結婚するんですか? Qui se marie? C'est notre phrase clé aujourd'hui. 誰? Signifie qui. On utilise la particule na après une interrogation afin de connaître le sujet. 結婚 signifie mariage. する est la forme du dictionnaire de します faire. Donc, 結婚, mariage, en combinaison avec shimasu, faire, donne le verbe dont la signification est épouser ou se marier, n'est-ce pas? Oui, bonne observation, Mélanie. Vous avez déjà appris que ndes est une expression utilisée pour expliquer la situation ou indiquer une raison. Si l'on ajoute la particule ka à la fin de la phrase, on la met à la forme interrogative. Ainsi, on dit ndes ka lorsque l'on demande une explication. Anna a vu l'invitation pour le mariage et elle a demandé à Sakura qui se marie, n'est-ce pas? C'est juste. Mais il faut faire attention. Les verbes placés devant un des doivent être à la forme simple. Les verbes à la forme simple ne prennent pas masse, n'est-ce pas? Donc, kekonshimasu, se marier, devient kekonsuru, c'est-à-dire sa forme du dictionnaire. Oui. Exerçons-nous maintenant à dire la phrase clé du jour. Qui se marie? 誰が結婚するんですか? Sakura répond 静岡の友達 Une amie de Shizuoka. 静岡 est une préfecture du centre du Japon sur la côte pacifique. の est une particule qui lie les substantifs. 友達 signifie ami. Sakura a donc une amie dans la préfecture de Shizuoka. Oui, Sakura est née à Shizuoka dans la préfecture de Shizuoka. Alors qu'elle était au deuxième cycle du secondaire, son père avait été muté à Tokyo et sa famille l'avait suivi. Son ami d'enfance à Shizuoka se marie bientôt. Anna dit « Hey. Ah » ou « Vraiment ». C'est une interjection familière qui signifie « Je t'écoute ».« Itsu desu ka ?» C'est « Quand ?»« Itsu » signifie « Quand ». Il est suivi de « Des » une façon polie de terminer une phrase et de « Ka » une particule qui met une phrase à la forme interrogative. Itsu desu ka? C'est quand est une expression courante. Sakura dit 来月20日よ. Le 20, le mois prochain. 来月 signifie mois prochain. Ce mois-ci se dit 今月. Le mois dernier c'est 先月. Enfin, 20日 est une date dans ce cas précis, le 20. Attendez, 20 ne se dit pas nidu? En japonais, la manière de dire les nombres change lorsqu'ils font référence à une date. Le 20 se dit hatsuka. Veuillez le mémoriser ainsi. Ensuite, yo est une particule que l'on emploie à la fin d'une phrase lorsqu'on dit à la personne qui nous écoute quelque chose qu'il ou qu'elle ne connaît pas. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Anna, ça te dirait de venir avec moi à Shizuoka? Littéralement, Anna, ne viendrais-tu pas avec moi à Shizuoka? Anna. C'est Anna. Mo. Est une particule qui signifie aussi. Issho. Signifie avec ou ensemble. Ni. Est une particule qui indique le moyen. Shizuoka. C'est Shizuoka, un nom de lieu. Ni est une particule qui indique dans ce cas un endroit. Ikanai est la forme familière de ikimasen, ne pas aller. C'est la forme en nai de ikimas, aller, n'est-ce pas? Effectivement. Si l'on dit la forme en nai d'un verbe en haussant l'intonation, on invite quelqu'un à faire quelque chose. Essentiellement donc, la forme en nai est la forme négative d'un verbe, mais si on la dit en haussant l'intonation, elle perd son sens négatif. C'est bien ça? En effet. En utilisant la forme nai de cette façon, on peut inviter quelqu'un tout en l'incitant à exprimer son désir par la même occasion. Pour être poli, on dit « Ikimasenka ?»« Ne viendras-tu pas avec moi ?» Plus littéralement, « N'iras-tu pas avec moi ?» Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 27. La phrase clé aujourd'hui est « 誰が結婚するんですか ?»« Qui se marie ?» 誰が結婚するんですか? 静岡の友達。 へえ、いつですか? 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない? Passons là-dessus à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. J'aimerais apprendre de manière plus précise la façon de dire les dates. Veuillez nous l'expliquer plus en détail. Demandons à notre professeur. En japonais, le premier jour du mois, c'est Tsuitachi. À l'origine, cela signifiait le jour où se lève la lune. Voici comment on dit le deuxième jusqu'au dixième jour. Le deuxième jour. Futsuka. Le troisième jour. Mika. Le quatrième jour. Yoka. Le cinquième jour. Itsuka. Le sixième jour. Muika. Le septième jour. Nanoka. Le huitième jour. Yoka. Le neuvième jour. Kokonoka. Et le dixième jour. Toka. Comme je vous l'ai expliqué dans la leçon 7, ces mots sont des vestiges de l'ancienne façon de compter les nombres au Japon. Du onzième jour jusqu'à la fin du mois, on emploie les nombres correspondants et on ajoute nichi, ce qui signifie une journée. Ainsi, par exemple, le onzième jour se dit juichinichi. Il y a trois exceptions. Le quatorzième jour se dit juyoka. Le vingtième jour, c'est hatsuka. Et le vingt-quatrième jour se dit nijuyoka. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Wang wang. Wang wang. Je ne sais pas. La réponse est... Oh, un chien. Et là, de quoi s'agit-il ? Nya, nya. C'est un chat, non? C'est juste. Et vous, chers auditeurs, vous aviez trouvé les bonnes réponses? Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons parlé de wang wang et de nya nya. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Je vais accompagner Sakura dans sa ville natale, Shizuoka. Je croyais pouvoir assister à la cérémonie de mariage avec Sakura, mais je ne peux pas. Ce n'est pas possible sans invitation. Vous avez aimé la leçon 27? La phrase clé aujourd'hui était... 誰が結婚するんですか? Qui se marie. La prochaine fois, Anna ira à Shizuoka avec Sakura. Soyez des nôtres pour cette prochaine leçon.